Sa mère lui raconte une histoire, un avant-goût déjà tout bu. Un gamin chiale sur le trottoir, un arrière-goût de déjà vu. Sa mère lui raconte une histoire, un avant-goût déjà tout bu.